Mémoire sur les Juifs par le prince de Ligne. Ils n'ont jamais été à la mode depuis que Dieu les a abandonnés. C'est pour cela que les chrétiens ne s'en sont jamais occupés d'eux, et d'un autre côté, les philosophes n'y ont pas pensé, parce que leur figure apparemment ne leur revenait pas. Il y a peu de Juifs en France et en Angleterre, les deux pays de la philosophie. Les Hollandais ont trouvé plus simple de les faire payer, les Italiens de les tourmenter, les Espagnols et les Portugais de les brûler. Le premier brevet de philosophie a été pour l'auteur qui, le premier, a cru avoir bien de l'esprit en écrivant que les nègres sont des hommes, et le second, pour celui qui a dit qu'il fallait massacrer 100 000 blancs, plutôt que de permettre qu'un noir ait un coup de bâton qu'il aurait mérité par sa méchanceté. Voilà un des égarements du maudit esprit des gens d'esprit de ce temps-ci. Comme ils n'ont pas daigné jeter les yeux sur les Hébreux, ils ne trouvent pas mauvais que les petits garçons leur jettent de la boue ou de la neige. Et ils trouvent cruel un chasseur qui tue quelques bêtes malfaisantes ou inutiles. Nos femmes, si sensibles qu'elles ne peuvent point voir écraser une araignée ou brûler un papillon sans se trouver mal, trouvent fort bien d'insulter un de leurs prochains parce qu'il n'est pas aussi bien tenu que leur voisin. Monsieur de Voltaire pourrait se passer du petit mot pour rire sur le compte des Juifs de l'ancien temps, dont il nous a souvent rabâché l'histoire, qui serait ridicule si ce n'était pas l'histoire sainte, et extraordinaire si tout n'était pas possible à Dieu, et la seule chose qu'il dit en faveur des nouveaux, pour lesquels il n'est pas plus tolérant que pour le christianisme et surtout le catholicisme, tout en prêchant la tolérance, c'est qu'il ne les fera pourtant pas brûler. Il finit ainsi son chapitre. Monsieur de Voltaire ne s'est déchaîné autant contre Jésus-Christ que parce qu'il était né parmi une nation qu'il abhorrait. Il en était le fréron, et c'est le seul tort de Monsieur de Voltaire. Si son curé avait eu l'esprit, à sa mort, de sortir de chez lui avec un air content, et par un pieux mensonge, de dire qu'il s'était converti et avait bien rempli ses devoirs de catholique, il aurait converti par là tous les prétendus esprits forts que Monsieur de Voltaire avait égarés. Je reviens aux Juifs de notre temps. Si les chrétiens n'ont ni l'adresse ni la bonté de les tirer de l'état où ils sont et d'en faire quelque chose, je voudrais, pour leur bonheur, car ils me font rire ou pitié tous les jours, que quelqu'un de ceux qui sont en Turquie fût assez habile pour prendre du crédit auprès du grand Seigneur, qu'il leur rendrait le royaume de Judée, où ils se conduiraient sûrement mieux qu'autrefois. Les Juifs, bien élevés, banquiers, commerçants, quelquefois barons, presque nobles, établis dans les capitales des chrétiens, renonceraient à Jérusalem et cesseraient d'être maltraités en Europe, qui perdraient beaucoup sans cela. Et le mériterait. Il y en a plusieurs dont on connaît le mérite et l'honnêteté, qui ont des amis, à qui l'on rend justice pour de belles actions d'humanité. Je ne parle, pour retourner en Israël, que des pauvres diables et des intermédiaires entre les riches et les déguenillés. Veut-on avoir leur portrait? Toujours suant, à force de courir les places publiques, les cabarets, pour y vendre, presque tous bossus, une barbe rousse ou noire aussi crasseuse, teint livide, brèche-dents, nez long et de travers, le regard craintif et incertain, tête branlante, cheveux crépus épouvantables, genoux picotés de rouge et découverts, pieds longs et en dedans, yeux caves, menton long, effilé, bas noirs troués et tombant sur leurs jambes desséchées, chapeau jaune à Avignon, manche jaune à Prague, bonnet de grenadier en Pologne. Ailleurs, bonnet de poil sous un grand vieux feutre percé et rabattu, ou petit chapeau pointu, la pointe en l'air. Voilà comme sont en Europe 10 millions d'Hébreux. Le degré d'avilissement où les gouvernements les laissent, la pauvreté dont ils ne peuvent pas sortir, leur mauvaise nourriture, le mauvais air de leur synagogue et de leur rue, perpétuent ces figures et ce costume, et on peut dire encore, Jacob génuit Isaac, semblable à lui. Les enfants de Judas, sans S, qui ont plutôt l'air des enfants de Judas, avec S, ont certainement l'air éprouvé, et plein de foi pour les prophéties. Je suis convaincu qu'ils doivent l'avoir. Mais ils l'auraient moins, si outre qu'ils sont réprouvés de Dieu, ils ne l'étaient pas des pays mêmes où ils sont soufferts. C'est ce qui les rend trompeurs, peureux, menteurs et bas. Ces quatre sentiments, marqués sur leur figure, ne les embellissent pas. Ils ne sont ni voleurs, ni assassins, ni méchants. Donnez-leur un état ou un bon asile, et ils cesseront d'être ce que j'ai dit qu'ils sont. Si même ils sont filous dans leur marché, c'est qu'ils apprécient les peines qu'ils se donnent et qu'ils veulent se faire payer des humiliations continuelles qu'ils éprouvent. Je crains toujours d'alarmer le peu de bonne conscience qui reste encore et d'ailleurs de diminuer ce qu'il est surtout nécessaire à présent de conserver. Qu'on s'arrange avec le pape, s'il existe encore, et avec les livres saints, pour voir jusqu'où on peut aller à l'égard des Juifs, sans vouloir faire mentir les prophètes, ce qui d'ailleurs est impossible. Il y a, dans tout plein de capitales de l'Europe, des villes de Juifs. Qu'on les leur rebaptise proprement, avec un ruisseau qui coule dans toutes les rues, qu'on leur donne un habillement long et oriental, avec un bonnet d'eux-mêmes et de jolies couleurs, un genre d'ouvrage conforme à leur disposition, et leur pullulation, semblable à celle de la vermine qui se sillonne des chemins, à notre vue, sur leurs barbes, leurs crins rougeâtres et leurs affreux vêtements, deviendra une population du double, saine, propre, belle et utile. Ils sont faciles en tout et portés à une propagation étonnante. La Pologne et la Bohême présentent partout de ces fourmilières noires, hideuses et dégoûtantes. Excepté faiseurs de tours de gypsières, ceux qui prouvent leur adresse, et maquignons, à qui toutes les religions permettent d'être des fripons, on ne voit presque parmi eux de métier que celui de graveur. Il n'y a qu'un pas de là à être joaillier, orfèvre, metteur en œuvre, tourneur, manufacturier. Ils aimeront mieux faire des armes que de les porter, et construire des charrues que de les conduire. Le goût pour l'argent et leur industrie pour en gagner les rendrait bien propres à tous les arts qu'ils perfectionneraient. C'est en qualité de persécutés qu'ils ont cet air paresseux qui les fait bagnoder dans une rue pour chercher une commission à faire ou gagner 6 kreutzer en vendant quelque chose d'un paquet sale qu'ils portent sous le bras, encore après avoir fait 100 révérences inutiles. Voyez, malgré cela, la beauté de leurs femmes et de leurs filles, échappées à la misère ou couvertes de haillons. On croit être bon chrétien en disant « elles ont de beaux yeux, mais elles ont l'air juifs ». C'est avec un peu plus de dureté peut-être, et moins de cette charmante volupté moelleuse, le genre de la beauté des Grecs. Et toutes ces figures orientales sont au-dessus de celles de notre triste et vulgaire Occident, qui est ce qu'il y a de moins piquant. Cette dureté dans les yeux et les traits tient à celle de leurs principes. Elles sont extrêmement sages et décentes, même au milieu des nations qui le sont le moins. Leur religion, leurs usages et la triste vie qu'elles mènent les éloignent de la galanterie, de même que les préjugés sévères de leur législature et surtout leur manière de se coiffer sans montrer les cheveux les préservent de la coquetterie. En a-t-on jamais rencontré dans des lieux de débauche? On en voit, un carton à la main, avec des échantillons, entrer quelquefois dans une maison où le libertinage, même à prix d'argent, échoue devant leurs principes, rendus à la société par la classe des citoyennes, où leurs talents les placeraient, elles y seraient sans doute aussi agréables qu'utiles. Vêtues avec grâce, comme les anciennes filles de Judas, que nous voyons dans les cœurs d'Athalie, elles se feraient chrétiennes, s'il le fallait, pour plaire aux chrétiens, qui en seraient amoureux, et remonteraient toutes les races, au lieu d'abrutir et d'enlaidir la leur. Les Juifs ont des espèces de vertus, jamais ivres, toujours obéissants, exacts et prévenant les ordonnances, sujets fidèles au souverain au milieu de révoltes, et jamais en colère. Unis entre eux, quelquefois hospitaliers, et les riches aidant les pauvres. Ils ne sont méchants qu'en Pologne, où, pour se venger des humiliations, ils abusent de l'autorité, que je dirai ailleurs qu'on leur donne dans les villages mal à propos. Qu'ils soient heureux et considérés, ils seront bons. Comment peuvent-ils l'être avec leur habit et leur figure, en changeant celle-ci, en changeant celui-là? Mais voyez-les. Après avoir trouvé grâce devant le portier d'une maison où ils ont sonné 20 fois, turlupinés dans une antichambre par tous les valets, quand, avec leur air de singe et s'inclinant avec des contorsions de synagogue, ils viennent prier qu'on les annonce. Et puis comment sont-ils reçus? Le petit chien les mord, le petit enfant en a peur, le grand les contrefait, les filles de la maison disent « quelle odeur !» et le père les fait chasser. Encore une fois qu'on les décrasse. L'habit oriental ôte la disgrâce et donne de la noblesse. Une boutique propre attirerait des chalands et au lieu de vendre des misères et de se mettre en eau, en courant toute la journée pour gagner un kreutzer, le juif l'attendrait gravement chez lui. Marchant d'un petit gain à un plus grand, industrieux et grand calculateur, il deviendrait homme d'affaires, maître d'hôtel, régisseur, intendant. Ils sont capables de tout et s'entendent à tout. J'en ai rencontré excellents maîtres de poste et par le désir d'une bonne récompense et la peur d'être rossé, postillon à bride abattue. Ce talent engagea, en 1787, le prince Potemkin à en faire des Cosaques. Rien ne m'amusait plus que de voir ce commencement qui s'appelait Israelovski. Nous en avions déjà 2 escadrons, leurs piques, la peur qu'ils avaient de leurs chevaux, en attendant celle de l'ennemi, les rendaient comiques. Et c'est à cheval qu'ils ont plus encore l'air de singes. On croit avoir horreur des Juifs à cause de leur religion, et ce n'est qu'à cause de leur tournure. Ils sont à plaindre, sûrement, mais ils ne seront pas plus damnés que bien d'autres qu'on voit tous les jours, et peut-être que plus mêlés avec les chrétiens, la beauté de leurs filles pouvant attirer les jeunes gens des pays où ils seront bien traités, ils deviendront chrétiens eux-mêmes. Voilà ce qu'il faut dire à un souverain dévot. Il faut représenter à celui qui ne l'est pas, mais qui n'est qu'intéressé, que les Juifs, tels qu'ils sont, s'emparent du commerce des petits bourgeois, trompent les paysans et ruinent les seigneurs par l'usure. Il faut dire au souverain, qui aime plus l'humanité, ces gens n'ont presque pas la figure humaine, tant ils sont pauvres et maltraités. Et ce sont pourtant des hommes, comme vos autres sujets, qui croient peut-être en Jésus-Christ, mais pas en son vicaire sur la terre. Ce qui est pourtant un article de foi. À propos de cela, il est assez singulier qu'il soit aussi attaché à la fable la plus grossière et la plus ridicule, puisque, si le Messie n'est point encore arrivé sur la terre, il y a apparence qu'il n'y viendra plus. Cela prouve du caractère. Comment, intéressés comme ils le sont, ne s'en départissent-ils jamais? Cet entêtement leur coûtera cher dans l'autre monde, mais leur fait honneur dans celui-ci. Ils ne sont donc pas aussi vils qu'on le dit. Voyons encore ce qu'on peut en faire. Je suis comme cet homme, qui voyant les jeux des deux joueurs, les conseillait en même temps. Voyez les charmantes Israélites du grand monde, leur beauté et une sorte de gaucherie qui a de la grâce, fixant tous les regards. Il y en a beaucoup à présent partout de mieux élevés que les personnes de la société, et au salut de leur âme près, que je leur recommande, elles ont tort de rougir d'être ce qu'elles sont. Il y a la plus grande analogie entre ce peuple et les Turcs, qui ont emprunté une partie de leurs usages et de leurs noms. Si Dieu avait permis à Moïse d'être un conquérant, comme Mahomet a pris sur lui de l'être, les deux tiers du monde seraient juifs au lieu d'être mahométans. Le nom de Mahomet vient de Moïse, comme Soliman de Salomon, Ibrahim d'Abraham, Youssouf de Joseph, Achmet d'Isaac, Salim de Salomé, Zahir de Sarah. Et, moins barbares que nous à leur égard, ils ne les regardent pas comme des chiens, ainsi qu'ils ont la bonté de nous appeler, les méprisent un peu et les font bien payer sans les insulter. Ils sont, à l'exception du turban et de quelques différences encore, à peu près vêtus de même. Leurs juifs contractent avec eux le goût des libations fréquentes et quelques propretés à leur divan. Quelle différence d'un véritable juif turc habillé à sa manière d'avec l'extérieur d'un de nos hébreux tel que je l'ai peint. Tout concourt à élever le premier et à abaisser le second. Examinez la noblesse et l'étendue des mouvements du premier et le rétréci et le mesquin des mouvements du second. La politique des Turcs doit continuer à n'avoir pas le sens commun, ne savoir ni lire ni écrire et ne se corriger presque de rien, pour exister toujours. S'ils prenaient quelques juifs habiles pour penser à leur place, ils leur apprendraient, sans s'en douter, ce qui leur manque, ou plutôt, ils l'introduiraient sans le leur apprendre, car il faut toujours respecter la religion et les lois. Ces juifs deviendraient mahométans s'il le fallait, et il n'y a qu'un bien petit pas à faire. Le canif de la circoncision étant le premier qui égalise ces deux sectes ridicules. Ils prendraient place au divan. Il ne faudrait pour cela qu'un empereur musulman ou un grand vizir un peu raisonnable pour y consentir. Les Juifs, qui outre cela auraient retrouvé leur patrie, seraient obligés d'y faire fleurir les arts, l'industrie, l'agriculture et le commerce de l'Europe. Jérusalem, petit trou horrible à présent, qui fait mal au cœur aux pauvres diables de pèlerins qui vont de temps en temps, redeviendrait une capitale superbe. On rebâtirait le temple de Salomon sur ses ruines, qui en ferait retrouver la trace, en suivant les descriptions et les estampes que nous en avons. On fixerait les eaux du torrent et de Cédron, qui fourniraient des canaux de circulation et d'exportation. On retrouverait le jardin d'Éden et les quatre sources des fleuves qui en feraient le plus beau jardin anglais du monde. Les déserts seraient défrichés et habités. On ne rencontrerait plus les hordes de voleurs arabes qui infestent tous les lieux saints et sacrés, puisque personne n'y touche. Et voici d'abord ce que je dis aux Turcs, pour leur apprendre à résister à leurs ennemis. Si vous attirez les Juifs chez vous, servez-vous-en comme les Romains se servaient des Grecs qui étaient leurs médecins. Ceux-là peuvent l'être de votre gouvernement. Ils ont assez écouté aux portes chez nous pour savoir les usages des armées chrétiennes et les défauts des vôtres. Ils vous conseilleront de ne pas imiter les chrétiens, comme vous le disent à présent quelques sots renégats, mais ils vous conseilleront beaucoup de réserves et plusieurs lignes les unes derrière les autres pour soutenir votre première attaque dont il ne faut pas changer le genre. Ils vous diront de ne pas crier toutes les nuits vos prières sur vos remparts, si haut que vous n'entendez jamais le bruit que l'on fait à l'ouverture de la tranchée, qui, établie à notre aise, décide de la prise de vos forteresses. ils vous apprendront à les rendre plus en état de se défendre et seront vos entrepreneurs de vivre à meilleur marché. Ils pourront rendre à vos îles de l'archipel du commerce et de la population, observer vos Grecs à qui vous ne pouvez guère vous fier, et ils s'entendront mieux que vous à tout ce qui concerne les échelles du Levant. Le profit que les Juifs feront chez vous vous garantit leur fidélité. Que le bachat le moins bête d'entre vous soit le bachat de Judée, et qu'il vous envoie ceux de cette nation qui peuvent être le plus utiles à Constantinople et aux autres provinces de l'Empire. C'est pour cela qu'à présent, me tournant vers les chrétiens, je leur conseille de ne pas laisser aller les Juifs, mais d'en faire ce que j'ai dit. Supposez qu'on ne puisse pas les rendre agriculteurs, puisqu'on les croit paresseux pour ce genre de travail. Si on leur donnait à défricher les landes de Bordeaux, les bruyères de la Hongrie, les steppes des Tartaries russes, ils chercheraient des colons, des ouvriers. Et les Juifs les plus riches, aidant les plus pauvres, en tireraient un si bon parti que dans 10 ans, ils seraient en état de payer de bonnes contributions à la couronne. Les moines, jadis grands défricheurs, sont devenus des Juifs. Les Juifs deviendraient des moines et n'abandonneraient pas l'État dans les moments de grande détresse. Ils feraient le calcul qu'on n'a jamais voulu faire, par une avarice insensée, pendant toutes les révolutions de tous les pays, qu'il faut donner la moitié de sa fortune pour conserver l'autre. Plus on fournirait l'occasion aux Juifs de s'enrichir, et plus on pourrait les pressurer dans les grands besoins des finances d'un État. Ce ne serait pas aux dépens du petit peuple, dont ils enlèvent à présent, par leur activité ennuyeuse, importune et pressante, le petit gain. On la leur ferait porter sur de plus grands objets. Vous conserverez, leur dira-t-on, votre mauvaise réputation, si vous continuez à surfaire de la moitié. Prenez le genre opposé, n'ayez qu'un mot, et vous nous attraperez en ne nous attrapant point. Vous ferez tort aussi au marché des bons chrétiens qui continueront à surfaire. C'est avec cet air de sincérité, en ne se laissant pas marchander, que trompent souvent les Herrnhuter ou frères Moraves, ainsi mal appelés. Il y aurait un terrible pas à franchir pour que de la grande saleté des Juifs, ils passassent à la grande propreté de cette secte très commerçante. Mais c'est cependant celle-là qu'ils devraient imiter. Elle est peu nombreuse dans chaque pays et rapporte infiniment. Il faudrait que les Juifs s'occupassent d'eux-mêmes à faire oublier toutes les marchandises d'Angleterre afin que l'argent n'y allât pas. Le cuir des Herrnhuter est par exemple une des bonnes branches de leur commerce. Tous ces pâles hébreux si pauvres qu'on trouve dans de petites villes et villages de Bohême seraient jetés dans les manufactures des riches et le deviendraient. Si l'on dit qu'ils font tort aux autres sujets, je soutiendrai que non. La plus grande partie y gagnera. Les Juifs achèteront la matière première dans les villages et feront meilleur marché que les grands faiseurs d'entreprises des capitales qui ont déjà assez gagné. Le premier État qui ferait ce que je dis y aurait un grand avantage, outre celui de démagoter et de déshumilier une nation nombreuse. Si les autres, successivement, suivant la même marche, il y aurait une grande circulation et union de plus en Europe. Puisque l'Israélite hollandais ou portugais n'est ni hollandais ni portugais, il n'est que juif. Il faudrait des rabbins habiles, sans cesse en course dans chaque pays, pour faire des inspections, empêcher les abus des seconds chefs ou les torts des individus. Ce général rabbin serait une espèce d'otage de la conduite de son peuple auprès de chaque gouvernement et s'attacherait surtout à veiller à la propreté des établissements et des barbes. Il n'y a pas de minutie aux yeux d'un législateur qui doit entrer dans tous les détails, pour en étudier les rapports. Si l'industrie des petits juifs leur fait donner la préférence sur les pauvres ouvriers chrétiens, on exigera d'eux, dans chaque ville, une petite caisse pour les dédommager par des aumônes ou quelques petites directions en emploi que les juifs pourraient leur donner. Mais je trouve que ceux-ci, se chargeant de tous les grands et petits trafics, laisseront toujours les gros ouvrages des villes et des campagnes aux militaires et à l'agriculteur. On ne voit point un juif maçon et surtout, en qualité de peureux, on n'en voit pas couvreur d'ardoise. Le petit marchand quincaillier, au lieu d'établir une mauvaise petite baraque à une foire, où il dépense plus qu'il ne gagne, sera peut-être laboureur comme son père. On ne verra plus ces vilaines ravaudeuses de bas, ces tristes marchandes de pommes moins ridées qu'elles ne le sont elles-mêmes, gâter une rue ou cacher le bas d'un bel édifice par leur vilaine petite maison de planches où elles s'enrhument. On ne sentirait plus, le long d'une promenade publique, l'odeur des haillons. Et tout cela se trouverait dans les jolis quartiers des Israélites, au milieu desquels ils élèveraient un joli temple, au lieu de la vilaine et puante synagogue qu'ils ont ordinairement dans un carrefour, au bout d'un égout. Les Juifs font les aristocrates, quand les gentilshommes leur affirment leurs terres. Ils y exercent des tyrannies affreuses, ne parlent aux paysans que le fouet à la main, et du haut de leur vilaine petite taille, et les plus humbles de la terre jusqu'à ce qu'ils aient de l'autorité, ils cesseront d'être tyrans ou tyrannisés lorsqu'en les observant, le gouvernement leur confiera une direction. Ils se tirent bien de celle des charrois, où ils sont tour à tour cochers et postillons, et lorsqu'ils sont attrapés dans un cabaret, ce qui est bien rare, par des recruteurs, ils deviennent bientôt bas-officiers. L'empereur Joseph n'acheva pas son projet sur eux en Galicie. Le marquis de Langalerie expia, dans une prison de Vienne, le sien sur des rassemblements. Le prince Potemkin n'osa pas continuer sa levée, de peur de se brouiller avec la Sainte Écriture. Qu'on tire au clair, si cela se peut ou non, et quand la race sera un peu remontée, on n'a qu'à les faire servir. Le bâton, plus prochain d'eux que le canon de l'ennemi, les y fera marcher. D'ailleurs, pourquoi ne redeviendraient-ils pas aussi braves que sous les ordres de Josué, Gédéon et Abner? Mais j'en reviens au malotru. La population des villes augmente souvent aux dépens de celle de la campagne où elle est plus utile. En se servant des juifs pour tous les métiers où je les destinerais, il y aurait moins de bourgeois chrétiens et plus de paysans. Voilà encore une bonne profession pour les Hébreux, qui s'empareraient de cette branche de commerce ainsi que de quantité d'autres. Au lieu des foires de Leipzig et de Francfort, qui attirent tant d'étrangers et d'argent, chaque ville de juifs dans la capitale de chaque province serait une foire continuelle où cet argent des voyageurs se partagerait et circulerait au profit de l'État qui, outre cela, garderait le sien. Et les Israélites, enfin, en attendant les décrets impénétrables de la Providence sur leur endurcissement, dans le genre des torts de leurs aïeux, seront, au moins dans ce monde-ci, heureux, utiles et cesseront d'être le plus vilain peuple de la terre. Je conçois très bien l'origine de l'horreur qu'inspirent les Juifs, mais il est bien temps que cela finisse. Une colère de 1800 ans me paraît avoir duré assez longtemps. Ainsi s'achève. Mémoire sur les Juifs, par le prince de Ligne.